بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue inshallah ta'ala cette série de cours concernant les règles du mariage. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiré du livre Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din de l'imam Sa'di rahimahullah, le chapitre du mariage. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, « Wala buddha fihi min al-wali » et il est impératif que durant celui-ci, donc le contrat de mariage, il est impératif que le tuteur, donc le tuteur de la femme, soit là. Ce qui est voulu ici, c'est qu'il participe au contrat de mariage ou qu'il donne son accord concernant le contrat de mariage. « Qala sallallahu alayhi wa sallam » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La nikaha illa biwali. Il n'y a pas de mariage sans tuteur. Hadithun sahihun. Donc l'auteur qui nous dit que le hadith est authentique. Barakallahu fikum l'esker. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que l'accord du tuteur est obligatoire pour le mariage. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre, dans Surat al-Baqarah, وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Lorsque vous avez divorcé les femmes et qu'elles atteignent la fin de la période de viduité, alors ne les empêchez pas de se marier, donc de se remarier avec leurs époux, s'ils se sont mis d'accord de manière convenable. Donc l'homme, il est marié avec une femme, il veut, donc il a divorcé cette femme, elle a atteint sa période de viduité, il veut se remarier avec elle. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, n'empêchez pas aux femmes de se remarier avec leurs anciens époux s'ils se sont mis d'accord de manière convenable. Et donc c'est ainsi que ceux qui croient en Allah et au jour dernier sont exhortés. Cela est bien plus pur pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et vous ne savez pas. Et donc ici, concernant ce verset, on voit clairement que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aux hommes, n'empêchez pas aux femmes de se marier avec leurs anciens époux. Et donc ce qui veut dire que les hommes, ils ont ici leur parole, c'est-à-dire le tuteur, il a ici son mot à dire. Et si le tuteur n'avait pas son mot à dire, il n'y aurait pas eu d'utilité à dire au tuteur, n'empêche pas la femme, puisque de toute façon, elle peut se marier sans son accord. Mais ici, ce n'est pas le cas. La femme ne peut pas se marier sans l'accord de son tuteur. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala prévient le tuteur, n'empêche pas la femme de se remarier avec son ancien époux. D'ailleurs, il a été cité dans Sahih al-Bukhari parmi les causes de révélation de ce verset que Ma'qil ibn Yassar, il dit, j'ai marié ma sœur à un homme. J'ai marié une de mes sœurs à un homme. Il l'a divorcée. Lorsque sa période de viduité s'est terminée, il est venu pour la demander en mariage. Alors je lui ai dit, Zawajtuka, wa afrashtuka, wa akramtuka, fatallaqtaha, thumma jita takhtubuha, la wallahi, la ta'udu ilayka abada. Alors j'ai dit à cet homme, je t'ai marié, hein, je t'ai donné une épouse, afin que tu puisses jouir d'elle, hein, j'ai été généreux envers toi. Et ensuite, tu l'as divorcé. Et maintenant, tu viens demander sa main. Non, par Allah, elle ne reviendra pas à toi. Elle ne reviendra pas à toi. Et il dit, il précise que cet homme-là était quelqu'un de bien. Et donc, ce n'était pas quelqu'un qui avait des problèmes dans sa pratique religieuse. Et la femme, donc la sœur de Marqil, elle voulait revenir vers son ex-époux. Mais Marqil ne voulait pas. Alors, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre ce verset, fala tardulouhunna, alors ne les empêchez pas de se marier avec leurs ex-époux. Et donc Marc, il a dit à ce moment-là, el an ef'alou ya Rasulallah. Et donc il a dit, maintenant je vais le faire au messager d'Allah. Subhanallah, il s'est soumis. Il s'est soumis. Et c'est exactement ce qui nous est demandé, barakallahu fikoum. On ne fait pas rentrer notre passion. Parfois, oui, tu es énervé contre quelqu'un. La personne, tu sens qu'elle t'a fait une injustice. Tu sens qu'elle a mal agi. Mais tu ne dois pas agir avec passion. Tu fais prévaloir les textes du Coran et de la Sunna à ta propre passion. Et donc, à ce moment-là, Marqil, il a marié sa sœur à cet homme. Al-Hafiz ibn Hajar, il dit ici, puisque le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, il dit, concernant ce verset, « Wa hiya asrahu dalilin ala atibari al-wali, wa illa lama kana li rafdi ma'na, wa li annaha law kana laha an tuzawwaja nafsaha, lam tahtaj ila akhiha. » Et donc il dit, ce verset est le verset le plus clair qui montre, est la preuve la plus claire qui montre que la vie du tuteur est prise en compte. Parce que sinon, le refus de Marqil, donc ici, n'aurait pas eu de sens. Il n'y aurait pas eu de sens. Ça ne sert à rien de refuser, puisque de toute façon, elle fait ce qu'elle veut. Il y a le fait que si la vie de son tuteur n'était pas prise en compte, si la vie de son frère n'était pas prise en compte, elle aurait pu se marier toute seule, sans lui, sans prendre en compte son avis à lui. Puisque de toute façon, elle voulait se remarier avec son ex-époux. Abu Daoud, il cite dans son Sunan, d'après Aïcha, radiallahu anha, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ayyuma imra'atin nukihat bi ghayri izni waliyha » فَنِكَاحُهَا بَاطِل. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peu importe la femme qui est mariée sans l'autorisation de son tuteur, alors son mariage est caduque. Hein? Peu importe la femme, que ce soit une femme qui a déjà été mariée ou qui n'est pas encore été mariée, peu importe, أَيُّمَ امْرَأَةٍ. Cette parole, elle est générale. Et donc, faites attention aujourd'hui à tous ces gens qui veulent nous faire croire que la femme, elle n'a pas besoin de tuteur, elle se marie toute seule, a dit comme cela. Effectivement, il y a les savants du madhhab hanafite qui, eux, ils voient que donc la femme, elle peut se marier sans l'autorisation de son tuteur. Comme, et ils font une analogie avec la vente. Parce que la femme, elle peut vendre ses vêtements, elle peut vendre ses affaires, elle peut vendre sa voiture, elle peut vendre sa maison sans l'autorisation de son tuteur. Et donc, ils ont fait une comparaison entre la vente et le mariage. Ils ont dit, de la même manière, pour le mariage, elle peut faire sans l'autorisation de son tuteur. Mais cet avis est caduque. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien, lorsqu'on a vu les règles de l'analogie, parmi les règles de l'analogie, il y a le fait qu'il n'y a pas d'analogie s'il y a un texte. Et ici, des textes, il y en a plusieurs qui montrent que le tuteur, l'accord du tuteur est obligatoire. L'accord du tuteur est obligatoire. Et donc, l'avis le plus juste sur lequel il n'y a aucun doute, c'est que l'accord du tuteur est une condition pour la validité du mariage. Et qui est le tuteur ? Qui est le tuteur ? C'est ce qu'on verra demain. Inch'Allah ta'ala, ça c'est un sujet aussi qui est important, barakallahu fikoum. Je l'ai déjà dit, et je le redis encore, on a dû refaire plusieurs mariages à cause de ce sujet. Ce sujet-là, qui est le tuteur ? Combien de personnes se trompent sur ce sujet ? qui est le tuteur concernant le mariage. Et donc, ça, on le verra biznillah demain. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tayyib, donc là maintenant, la question qui est posée. Si une femme veut se marier avec un homme et que son tuteur ne veut pas, comment ça se passe? Elle n'a pas l'accord du tuteur. Et donc ici, on va regarder la raison. Barakallahu fikoum. On va regarder la raison. Si le tuteur, il refuse pour une raison légiférée, comme le fait que cet homme, le prétendant, n'a pas de travail et ne peut pas subvenir aux besoins de sa fille, etc. Ça, c'est une raison qui est légiférée. Ou alors, le prétendant ne fait pas sa prière à la mosquée. Ça, c'est une raison qui est légiférée. Ou alors, le prétendant, il fait partie d'établir. Ça, c'est une raison qui est légiférée. Ou alors. Ça y est. Maintenant, il vient avec une raison qui n'est pas légiférée. Exemple, lui, c'est un Martiniquais et c'est un Maghrébin qui se présente à sa fille. Il dit non, moi je ne veux pas de Maghrébin pour ma fille. Je ne veux pas de Blanc non plus. Je ne veux pas de Chinois. Moi je veux un Martiniquais, c'est tout. On va lui dire, ça, c'est pas légiféré. Ce n'est pas légiféré. Tu peux me dire que tu préfères, parce que la culture, etc. D'accord. Tu peux me dire que tu préfères, par rapport à la culture. Maintenant, si la personne a une bonne pratique religieuse, et que le seul argument que tu présentes, c'est ça, tu n'as pas le droit. À ce moment-là, ta fille, elle a le droit de se plaindre auprès du juge musulman. Elle a le droit de se plaindre auprès du juge musulman, ou alors, ici dans un pays non musulman, auprès des gens de science, auprès des références, auprès des imams. Qui vont voir, et attention, ça c'est très important, c'est pas l'imam ici ou l'étudiant, etc. Non, ça ce sont des sujets qui sont très importants, on revient vers les savants. Ils vont voir, ils vont être mis en relation avec les savants qui vont décider, est-ce que cet homme, est-ce que ce tuteur, en raison de son injustice, son tutorat, il saute ou pas. Et à ce moment-là, la sœur, elle aura un autre tuteur. Donc si c'est toujours de la famille du père, si c'est possible, alors oui, toujours de la famille du père. D'accord ? Mais ça sera un autre tuteur. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent faire sauter les tutorats d'autres, comme ça. Comme, ah, il m'a refusé, allez, on saute le tutorat. Oui, je suis venu, je suis sur la sunna, j'ai fait mes prières, et blablabla, le père, il veut pas. On saute le tutorat. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Les frères qui se précipitent à chercher à faire sauter les tutorats des gens, rappelez-vous, si un jour tu as une fille, et qu'il t'arrive la même situation, rappelle-toi de ce que tu as fait. Kemet a dit nous tout den, tu es rétribué en fonction de ce que tu as fait. Alors faites très attention, barakallahu fikoum, ne soyez pas injuste et revenez vers les gens de science concernant ce sujet. Donc oui, il faut l'accord du tuteur. Si le tuteur refuse pour une raison valable, il n'y a pas de problème. S'il refuse pour une raison non valable et qu'il est injuste et qu'il prive la fille et qu'elle a besoin de se marier, parce que le juge, il va regarder ça. Est-ce qu'elle a besoin de se marier? Est-ce qu'elle sent qu'elle peut être en danger? Elle peut tomber dans des péchés, etc., etc. Si elle a tout cela, le tutorat du père, il va sauter. D'accord? Mais ce n'est pas à nous de prendre cette décision, barakallahu fikoum. On ne se précipite pas dans cela. Naam. Oui. Le cas des convertis, si les parents refusent. Détail, s'il te plaît. Avec un converti, c'est ça? Parce qu'en fait, quand tu me dis le... Quand tu... Non, alors attendez. Stop, on va passer à la deuxième question. Parce que je veux comprendre bien la question, je n'ai pas encore compris la question. Donc là, c'est une fille qui est convertie. Le père s'est converti aussi. Le père s'est... Ah, très bien. Alors, deuxième question, si le père s'est... Donc la fille, elle est convertie et son père n'est pas converti. Est-ce que... Donc on fait comment? Tayyib, le père, il n'est pas converti, il n'est pas tuteur. Si le père n'est pas converti, il n'est pas le tuteur. Le tuteur d'une femme musulmane est un musulman. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.